la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, où sont les limites du corps ? Dans le livre 3 de l'éthique, Spinoza se demandait « Que peut un corps ?» et il répondit « Personne n'en sait rien. En tout cas, personne ne sait d'avance ce que peut un corps. L'expérience n'a jusqu'ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la nature, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'esprit. Car personne jusqu'ici n'a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions. En outre, personne ne sait de quelle manière ou par quel moyen l'esprit met le corps en mouvement, ni combien de degrés de mouvement il peut lui imprimer, et avec quelle vitesse il peut le mouvoir. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps a son origine dans l'esprit, qui a de l'empire sur le corps, ne savent pas ce qu'ils disent, ou ne font qu'avouer ainsi en termes spécieux qu'ils ignorent la vraie cause de cette action et ne s'en étonnent pas. » Fin de citation. La question est donc, depuis Spinoza, avons-nous progressé ? Savons-nous mieux ce que peut ou ne peut pas un corps ? A-t-il des limites ? Et si oui, avons-nous les moyens de les cerner ? Pour répondre à cette question, j'ai invité deux personnes, et en fait il y en a trois qui sont là. La première personne, c'est Jean-François Toussaint. Bonjour Jean-François Toussaint. Bonjour Adias. Vous avez plusieurs vies. Vous avez été sportif de haut niveau, champion de France de volleyball avec Asnières en 1984. Vous êtes aussi médecin, pionnier dans le domaine de l'imagerie fonctionnelle cardiaque, professeur de physiologie. Et vous êtes le cofondateur et le directeur de l'IRMES, qui est l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Alors, j'ai lu que vous aviez rencontré vos limites sportives en 1987, donc 3 ans après avoir été champion de France avec votre équipe. Comment est-ce qu'on se rend compte de ces limites sportives ? C'est assez simple, en regardant les autres, en se comparant aux autres, en se confrontant dans à la fois la compétition et puis dans la capacité à mener dans un sport collectif comme le volleyball un objectif commun. Et puis on voit, moi j'étais en équipe de France à ce moment-là, j'étais 10e joueur à peu près. Il n'y a que 6 joueurs sur le terrain, hein. Donc quand on est 10e sur les 12, puisqu'il faut quelques remplaçants, on voit bien les capacités de progression. On se juge sur ses capacités de puissance, d'endurance, de réflexion. Etc. Et puis on voit que sur certains niveaux, pour passer à l'étape suivante, donc après le titre de champion de France, c'était le titre de champion du monde ou de champion olympique, ces étapes-là étaient extrêmement difficiles. J'ai vu que ce serait probablement pas sur ma génération, en tout cas pas sur mes capacités que je pouvais y arriver. Et il a effectivement fallu 30 ans vous pour avez que l'équipe de France... Vous avez quel âge en 1987? J'avais 24 ans et on est au sommet de ses capacités à ce moment-là, dans la plupart des sports. Et il a fallu 30 ans pour que, en 2015, l'équipe de France gagne la Ligue mondiale. Donc vous voyez le temps nécessaire à cet investissement de très long terme. Le deuxième invité, c'est Bertrand Piccard. Merci d'être là. Merci tout le monde vous connaît. Tienne. Vous êtes... psychiatre d'abord, mais aussi aéronaute, et vous avez co-développé et copiloté l'avion solaire Solar Impulse, avec lequel vous avez réalisé un tour du monde entre mars 2015 et juillet 2016. La vérité, je vais la dire, c'est que je vous ai rencontré au café juste avant de faire cette émission. J'ai saisi l'occasion de votre présence pour vous inviter et vous avez eu la gentillesse de répondre oui, je vous remercie. Et c'est un grand plaisir. Et donc vous allez nous parler des opportunités de la vie. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui pensait qu'il n'y a guère de limites, en tout cas qu'on ne les connaît pas d'avance et qu'il faut les explorer. Cette aventure de Solar Impulse, vous la vivez comme un exploit sportif, un exploit technologique. Est-ce que vous avez dû puiser dans vos ressources physiques au-delà de ce que vous imaginez? Je pense notamment au manque de sommeil. Alors, c'est sportif, c'est technologique et c'est énergétique. Le pilote devait utiliser son énergie au mieux et l'avion devait utiliser son énergie au mieux. Le soleil faisait voler l'avion la journée tout en chargeant les batteries pendant le vol de jour, de manière à avoir assez d'électricité pour passer la nuit et atteindre le lever de soleil suivant. Et le pilote devait faire la même chose. Alors ce qui était amusant, c'est que moi j'étais en complet décalage avec ce que mon père m'avait toujours appris quand j'étais enfant. C'est que si j'allais pas au lit très tôt, je serais fatigué à l'école. Et votre dans père, Solar Impulse, était l'océanographe Jacques Picard, voilà. Qui a exploré les grands fonds. Mais oui, et c'est amusant parce que c'était un grand explorateur et en même temps c'était un papa poule qui nous couvait. Et j'ai réalisé à quel point c'est faux, à quel point on peut faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on croit. Sur les trois dernières nuits du Tour du Monde, j'ai dormi 45 minutes par nuit et chaque 45 minutes c'était en 5 ou 6 morceaux. Et j'étais pas fatigué, j'allais très très bien. Mais est-ce que pour s'entraîner au manque de sommeil, il faut beaucoup dormir ou au contraire s'entraîner à ne pas dormir ? Mais en fait, je pensais que ce qu'il fallait, c'était que j'utilise mes techniques d'auto-hypnose pour pouvoir m'endormir facilement. Puis j'ai l'auto-hypnose. Vu qu'il y avait de l'auto-hypnose. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'hypnose qu'on se fait sur soi-même. Comment ça ? Et j'avais beaucoup utilisé ça quand j'avais fait le tour du monde en ballon. Il y a 17 ans. Alors j'avais préparé tout ça pour les vols de Solar Impulse. Puis j'ai vu qu'en fait il y avait tout le temps des alarmes qui sonnaient, le pilote automatique sautait à cause des turbulences. Et j'ai beaucoup plus utilisé cette auto-hypnose pour rester réveillé quand je ne pouvais pas dormir. C'est-à-dire en respirant, en faisant circuler la conscience dans le corps. Et on voit que ce qui handicape beaucoup le corps, dans les limites qu'on s'inflige souvent, c'est le fait qu'on n'en prend pas conscience. On vit dans son cerveau plutôt que de vivre dans son corps. Et quand on fait passer la conscience, donc l'attention, l'éveil de soi sur l'entier de son corps, eh bien on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles avant. Avant de continuer la discussion, je dois dire qu'il y a un troisième invité que nous attendons. Il a un problème de train, il va arriver en cours d'émission. Il s'agit de Sébastien Chéniaud, qui est un sportif de haut niveau. Son sport, c'est pas le volleyball, c'est l'ultra-trail. L'ultra-trail, ça consiste à courir d'une traite, deux jours comme deux nuits, plus d'une centaine de kilomètres en montagne, si possible autour d'un sommet majestueux, le Mont Fuji ou le Mont Blanc. Et Sébastien Chéniaud a un palmarès en ce domaine tout à fait impressionnant. Il est capable de courir 160 kilomètres en 20 heures, 21 heures, avec 9500 mètres de dénivelé positif. Wow. Voilà. Donc il va nous raconter son expérience du corps dans des situations d'endurance extrême. Alors, pour continuer sur cette question des limites du corps, qui semble stagner d'après ce que vous écrivez, Jean-François Toussaint, en tout cas les performances sportives, les records du 100 mètres et de tous les autres sports, en fait, ont l'air de stagner. Est-ce que c'est un fait que vous avez pu mesurer? Est-ce qui concerne toutes les activités physiques, le marathon comme le sprint qui réclame des capacités physiques assez différentes? Et comment vous l'expliquez, ce phénomène de saturation, de plafonnement? Alors d'abord, on le constate sur les records du monde, on le constate sur le top 10, donc les 10 meilleurs athlètes chaque année, on le constate sur le top 100, les 100 meilleurs. À chaque fois, on voit qu'on progresse énormément au milieu du 20e siècle, et puis la fin du 20e siècle voit un ralentissement, et pour certaines épreuves, elles se sont arrêtées de progresser depuis 20 à 30 ans. Donc pour les premières, depuis 1983, on voit le 400 mètres féminin, par exemple, qui n'a plus de capacité, et donc c'est les performances des 10 meilleurs athlètes sont bloquées au compteur après des époques qui ont été celles des stéroïdes, celles des grands programmes de dopage d'État en Union soviétique et dans les pays de l'Est européen. Oui, le 4x400 féminin est imbattable. Féminin, mais ça a été la même chose du côté américain pour le 4x400 masculin par la suite. On a sur des démonstrations de ce niveau non pas la certitude, mais en tout cas l'observation d'un plateau qui est en train de se généraliser et qui n'est pas spécifique du sport. On y viendra après. Mais le premier point qui est celui de pourquoi sommes-nous arrivés à ce constat est potentiellement lié à ce que Bertrand disait tout à l'heure, des capacités de sommeil sur lesquelles on peut tenter de repousser ses propres limites dans des situations, mais qui seront aussi à un moment donné bloquées par un fait qui lui est infranchissable, c'est-à-dire qu'au bout de 4 journées sans sommeil, eh bien, on finit par mourir. C'est-à-dire que le corps n'arrive plus à se tenir au-delà d'un certain nombre de capacités. Donc, on peut jouer entre ces deux fonctions, celle qui nous fait dormir 6 à 8 heures par jour, chaque jour, et celle qui va, à un moment donné, instruire un processus de détérioration complet de l'organisme. Et entre les deux, on peut aller chercher quelque chose qui se rapproche d'une limite, qui est potentiellement une limite ultime. La question est de savoir si c'est bien celle-là qu'on aboutit actuellement. Est-ce que ça veut dire qu'on a optimisé les méthodes de nutrition, de préparation des sportifs, ou de sélection même, au point que cette saturation s'explique par le fait qu'on a atteint l'optimum? Alors on a optimisé les quantités de choses, et ce que Bertrand disait tout à l'heure sur la question énergétique, c'est-à-dire il y a à la fois l'idée du record sportif, du record technologique et du record d'optimisation énergétique, c'est bien celui-là pour les deux organismes, l'avion et le pilote. C'est bien la question aussi qui est fondamentale dans cette capacité de transformation, c'est-à-dire que sur 2 siècles, 10 générations seulement, on a eu des capacités d'appropriation énergétique dans un premier temps, qui se traduisent par une alimentation. On va avoir à ce moment-là des augmentations de la taille des individus en moyenne, hein. On va avoir une augmentation du poids, une augmentation de la masse musculaire. Tous les records vont suivre de façon parallèle à cette augmentation de la biométrie avant que ce soit celle de la physiologie. On aura aussi l'hygiène qui va limiter les risques au cours du développement, et donc toutes les maladies infantiles vont permettre aussi à des quantités de nouveaux sapiens d'atteindre leur potentiel dans leur capacité maximale. Et puis, on va avoir, pendant tout le XXe siècle, cette capacité de développement qui va s'auto-entretenir jusqu'à la fin du XXe et le début du XXIe, où nous sommes actuellement, sur lequel ces points-là n'arrivent plus, malgré la recherche, malgré les développements de la médecine, malgré les développements techniques dans la biotechnologie, y compris le dopage. Il montre qu'à partir de là, on a vraiment énormément de questions à se poser sur ces plafonds simultanés et ces problèmes qu'il va falloir adresser et résoudre simultanément. Ce qui m'a beaucoup surpris à vous lire, Jean-François Toussaint, c'est que ce que vous dites des sportifs, des records, vaut aussi pour les animaux. Vous avez observé une saturation des performances des chevaux de course et également des lévriers. Est-ce que les enregistrements de leurs performances maximales sont fiables? Comment est-ce qu'on les mesure? Et est-ce qu'on a une trace du passé qui est crédible? Alors, c'est assez extraordinaire dans le domaine de la performance, donc d'indicateurs, hein. Il faut considérer à partir de là la performance comme un indicateur de la physiologie humaine ou animale, et cette mesure en centimètres ou en centimètres par seconde ou en kilomètres heure, à la fois la vitesse et la distance, et de façon assez précise, instruit des séries qui sont 100 fois plus longues que celles que l'on peut avoir en médecine, dans laquelle on essaye, au bout de quelques années, de montrer des différences entre un traitement, sans traitement. Là, on a des archives extraordinairement précises, avec les technologies de l'époque, qui remontent au 19e siècle, fin 19e pour l'espèce humaine, mais auparavant, début 19e pour les chevaux. Et donc, on a même certaines séries dans certains sports qui remontent au milieu du 18e siècle, pour le sumo en particulier chez les professionnels japonais. Donc on a sur plusieurs siècles des données de biométrie et de mesures qui sont extraordinairement précises. Et à partir de là, on voit qu'effectivement, on est à peu près à la 50% de la vitesse maximale du cheval ou du lévrier pour l'espèce humaine, et que les trois espèces vont vers leur plafond respectif en même temps. Et finalement, l'écart entre eux et nous n'a pas changé depuis 40 ans. Donc à vous entendre, vous êtes une sorte de penseur de la limite. Et Bertrand Piccard, quand on le lit ou quand on l'écoute, on a l'impression que lui considère au contraire que l'avenir est ouvert, que les meilleures choses sont pour plus tard. Et donc comment est-ce que vous entendez le discours de Jean-François Toussaint, Bertrand Piccard? Alors je pense que c'est important de se mettre à la place des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas tous des sportifs d'élite ou des pilotes d'avions solaires. Et je crois que pour ces gens-là, il y a un message vraiment important à faire passer. La limite ultime, on ne sait pas où elle est, mais elle est de toute façon très loin. Mais il y a une certitude qui est que pour les gens dans la vie de tous les jours, on peut toujours faire plus que ce qu'on croit. Il faut parler en termes de limitations pour nous, pas de limites. Les limitations, c'est ce qu'on s'inflige à soi-même. C'est les fausses croyances, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les conditionnements. Tout ce qui fait qu'on croit qu'on est condamné à rester ce qu'on est, alors que c'est totalement faux. On peut progresser. Alors jusqu'où? On voit bien, Spinoza ne savait pas. Mais en tout cas, plus que ce qu'on fait d'habitude. On peut tous faire plus. Que ce soit avec notre corps, avec notre esprit d'entreprise, avec nos plus ambitions. Plus ou mieux? Plus et mieux. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout limité à ce qu'on connaît maintenant et à ce qu'on fait maintenant. C'est une prison, la vie de tous les jours. C'est une prison parce que... Vous dites ça parce que vous êtes issu d'une famille qui n'a cessé de dépasser la limite. Non, je dis ça parce c'est que... C'est dans vos gènes. Parce que j'ai vu aussi en tant que médecin, pas seulement en tant qu'explorateur, en tant que médecin et psychiatre, en pratiquant de l'hypnose, à quel point l'être humain peut se libérer de ce qui l'entrave. À quel point, quand on donne de l'attention à sa vie intérieure, à quel point on voit qu'on peut s'épanouir et se dépasser. Ça, c'est le message qui est fondamental. On ne sait pas jusqu'où on peut aller dans les limites, mais en tout cas, on peut faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on atteint dans la vie de tous les jours. Alors, il y a un exemple que j'aimerais vous citer pour que vous le commentiez l'un et l'autre. Aux Jeux paralympiques de Rio, cette année, en 2016, les aveugles ont couru, les trois premiers de la course, ont couru le 1500 mètres plus rapidement que les champions, enfin que le champion olympique de la course des Jeux olympiques de Rio. L'explication qui a été donnée, c'est que les coureurs des Jeux olympiques sur le 1500 mètres font un tour d'observation. Ils courent assez lentement, puis ensuite ils lâchent toute la puissance et c'est le meilleur qui gagne à la fin. Alors que les aveugles n'ont pas cette tactique. Ils vont à fond du début à la fin. Et en l'occurrence, ils ont été trois à courir plus vite que le champion olympique. Qu'est-ce que ça vous inspire que un handicap augmente la performance par rapport aux coureurs valides? Je pense que c'est une belle illustration du fait que quand on est plus proche de son monde intérieur, on fonctionne mieux. Et c'est indiscutable que les aveugles sont d'une certaine manière coupés du monde extérieur et sont obligés de se retourner vers eux-mêmes. Le seul regard qu'ils ont, il est vers l'intérieur. Alors évidemment, ils ont encore le toucher, ils ont l'ouïe, etc. Mais ça ne m'étonne pas que des aveugles puissent courir plus vite. Vous avez aussi des aveugles qui sont des bien meilleurs thérapeutes, des aveugles qui sont des bien meilleurs guérisseurs. Ils sont plus en contact avec eux-mêmes et ce qu'ils peuvent développer, c'est leur conscience intérieure. Je trouve que c'est rassurant d'entendre ça. C'est un très bon message, mais avant que nous continuions, je dois accueillir Sébastien Chéniaud qui est descendu de son train avec du retard. Il n'est pas responsable de ce retard. Je le présente à nouveau, sportif de haut niveau, professionnel même, spécialiste de l'ultra-trail, donc il est capable de courir... Il serait venu plus vite s'il avait couru que s'il avait pris le train. Il est capable de courir plus d'une centaine de kilomètres en montagne, d'une seule traite, dans des temps que j'ai cités tout à l'heure et qui sont hallucinants. D'où redescendez-vous? Vous étiez au Japon pour l'ultra-trail du Mont Fuji, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Désolé du petit retard, mais... Vos habitudes d'être en retard. Ah non, j'essaye d'éviter justement, mais quand on est tributaire d'un système de transport, quelquefois ça arrive. Oui, je rentre du Japon. Là, ça fait une semaine et demie. Je repars sur une autre épreuve en fin de semaine, avant de repartir aux États-Unis la semaine prochaine. Donc avec une nouvelle échéance et puis un nouveau rassemblement d'athlètes. Donc Je vous présente Jean-François Toussaint qui était prévu dans cette émission et Bertrand Picard que nous avons rencontré au café tout à l'heure et qui a accepté de participer à la discussion. Donc parfait. Le sujet c'est le corps a-t-il des limites? Et vous qui faites de l'ultra-trail, donc on pourrait appeler ça de l'endurance extrême. Oui, c'est... Je pense que vous êtes constamment en train de regarder quelle est votre limite. Je pense qu'on est plus en train de les repousser et d'essayer de chercher à savoir quelles sont justement quelles pourraient être les limites et s'il y a des limites tout simplement. Je pense qu'au départ chaque coureur a pas la même capacité de départ et malgré tout on est tous identiques au départ, tous le même objectif de faire le tour par exemple. Je rappelle que vous avez terminé deuxième de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2009. Et troisième en 2011. Voilà, vous pouvez pas le contester parce que j'étais sur la ligne d'arrivée. Et donc je vous ai vu arriver. C'est une course de 21 heures. Ouais, 166 kilomètres, 9500 mètres de dénivelé positif. Ouais, ouais. Et vous êtes arrivé tout souriant, sans trace de fatigue apparente, en petite foulée, comme s'il s'agissait d'un footing dominical. Dans quel état est-on? Puisque j'ai lu des papiers que vous m'avez envoyés qui prouvent que vous lisez beaucoup d'articles scientifiques sur la physiologie et sur l'alimentation. Exactement. Dans quel état est-on après 21 heures de course, sachant que, c'est vous qui m'avez indiqué, des études ont montré que d'un point de vue cognitif, le manque de sommeil et l'effort intense prolongé provoquent des altérations. Oui, et puis provoquent dans certains cas des hallucinations aussi. On a des hallucinations, même en pleine ville. Est-ce que vous avez déjà halluciné de gagner? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je repense à des moments absolument incroyables que j'ai pu vivre en Libye, où je participais à une épreuve qui faisait 220 km dans le désert, en autonomie complète, donc avec trois bouteilles d'eau tous les 25 km. Voilà à quoi... Parce que c'est une course pour moi qui durait à peu près 30 heures, mais un peu plus, pas loin de 80 heures pour les derniers. Et c'est des moments où le cerveau nous montre bien les choses qu'on a envie de voir. Et ça, c'est vraiment très très intéressant puisque on arrive à un certain moment et à un certain stade à faire la part des choses et à se dire non, Là, c'est peu probable. Malgré tout, il y a des moments où on se pose vraiment des questions. Juste une petite anecdote, en 2008, donc une année très très chaude, avec plus de 50-52 degrés à l'ombre. Alors la chaleur n'est pas vraiment problématique. En fait, le problème, c'est le taux d'humidité. Donc cette année-là... Mais c'est lié quand même, non ? Oui, oui et non, parce que dans le désert, on a des taux d'humidité de 2% et il y a rarement des problèmes de déshydratation qu'on peut rencontrer lors d'épreuves comme aux Canaries, par exemple, où en 2014, j'ai eu cette fâcheuse rencontre avec la déshydratation, rhabdomyolyse et autres problèmes s'en sont suivis. Vous avez arrêté pendant plusieurs mois. Oui, ça m'a arrêté. En fait, ça m'a tellement affaibli. Ça m'a fait attraper, entre guillemets, une mononucléose due à un affaiblissement du corps et donc 11 mois d'arrêt. Donc là, vous aviez dépassé une limite. Ah oui, j'avais dépassé une de mes limites et je dois avouer que c'est assez stressant aussi bien pour l'organisme que pour la tête puisque on se voit dépérir très très rapidement. Et donc lors de cette course en Libye, pour revenir... Eh bien, je distinguais une forme très lointaine. Et là, j'ai commencé à me dire, non, c'est une hallucination. Et puis, au fur et à mesure, ça se rapprochait. Et il s'est avéré que c'était quelqu'un. Mais tout seul, au milieu de nulle part, sur une langue de sable de quasiment 5 km de large. Et c'était un Touareg. Donc, vous attendiez à des hallucinations, voilà. Et en fait, ça n'en était pas une. Ça n'en était pas une. Donc, voilà. Et donc, on a... Bertrand Piccard, est-ce que vous avez eu des hallucinations lors de vos vols au-dessus des océans dans votre Solar Impulse? Non, jamais. Mais il y a quand même des gens très dépendants des énergies fossiles qui pensent que j'hallucine quand je raconte que j'ai volé plusieurs jours et plusieurs nuits sans carburant avec un avion solaire. Ils ne le croient pas, ils pensent que c'est un complot. Absolument. Un complot du renouvelable contre le pétrole. Mais vous savez, je crois qu'il y a des hallucinations positives. C'est celle qu'on a comme vision en se disant « mais je peux faire plus et mieux que ce que je crois, je peux faire différemment, je peux atteindre des buts qui sont considérés comme impossibles. » Et si on a la persévérance, qu'on a une bonne équipe et qu'on sait pourquoi on veut le faire, je crois que c'est surtout ça. Si on sait pourquoi on veut le faire, eh bien on y arrive. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, qu'est-ce que vous inspire les exploits de Sébastien Chenu, Bertrand Piccard et puis Jean-François Toussaint donnera son... Mais je trouve ça extraordinaire sur le plan sportif et je pense que c'est extraordinaire pour les gens qui nous écoutent parce que moi j'ai entendu deux chiffres. Hein. Vous avez fait 30 heures en Libye pour les 220 kilomètres. Oui. Il y a d'autres qui ont fait 80 heures alors que c'est des gens qui sont déjà entraînés et que si on n'était pas entraînés, on ferait peut-être 5 jours. Ça montre le potentiel de progression. Mais les gens qui nous écoutent, ils doivent réaliser qu'ils peuvent progresser. Que ce soit sur le plan physique. Pas au niveau de Sébastien Chenu. Il faut quand même reconnaître que même si on pouvait s'entraîner. Vous vous rendez compte, la marge de progression qu'on a dans un cas comme ça, et quand on s'imagine aussi sur le plan psychique et mental, sur le plan spirituel, la marge de progression qu'on a, c'est ça qui doit donner de l'espoir. En fait, il faut avoir de l'espoir quand on entend ça. Oui, puis on prend l'exemple, ne serait-ce que du Tour du Mont Blanc, qu'on avait bouclé en 20h50, en ce qui me concerne, en 2011. C'est quelque chose qui, entraîné, se fait en 7 jours. Et non entraîné... Se fait pas. Se fait pas. Oui. Donc, preuve que voilà, tout est possible. Ouais. Jean-François Toussaint. Oui, c'est un immense paradoxe. Ce que l'on voit. À la fois, il y a la question du maintien de l'espoir. Donc, on est sur des domaines dans lesquels, et on le voit bien dans l'évolution de nos sociétés actuellement, avec toutes les contraintes, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient nord-américaines, asiatiques, on voit l'impact que progressivement les difficultés de la construction de cet espace de vie commun finit par avoir sur l'ensemble des décisions qui sont prises. En même temps, on se dit qu'elles sont liées à un certain nombre de ces limites, les limites de développement de nos sociétés, des limites énergétiques, on en parlait tout à l'heure, et des limites des conséquences énergétiques, c'est-à-dire essentiellement les polluants, et à partir de là, les conséquences environnementales, donc les environnements climatiques, entre autres, les changements qu'on va avoir, nous posent d'énormes questions sur justement ce qui est à l'apparition de ces plateaux. Et dans le même temps, on sait que ce déni, cette façon de ne pas accepter la limite est une extraordinaire force de survie. c'est le fait de ne pas croire à ce que nous savons, parce qu'on en sait de plus en plus sur ces éléments-là, mais de les refuser comme un des éléments du possible de nos quotidiens qui nous permet de dire « je peux repartir sur le prochain UTMB, je peux repartir sur la Diagonale des Fous, je peux repartir », qui porte bien son nom d'ailleurs, ah oui, « je peux repartir sur le prochain avion qui sera encore plus optimisé, encore plus... » C'est-à-dire la stagnation dont vous parlez n'empêche pas que les orbitales continuent de s'activer. Repousser. Sur le court terme de nos vies, on peut se dire qu'on est encore capable, tous les uns, d'atteindre des potentiels individuels, c'est le cas de Sébastien, technologiques, c'est le cas de Bertrand, qui permettent de le faire. Or, dans le même temps, on voit qu'on ne peut plus dépasser un certain nombre de choses. Et une fois de plus, Jacques Picard, votre père, a été celui qui a démontré, qui a mis, je dirais, le quatrième clou sur cette limite-là, puisque après avoir franchi les limites absolues, c'est-à-dire le pôle Nord, en début du siècle, puis le pôle Sud, juste 2 ans après, en 1913, puis on franchit l'Everest, on arrive finalement au sommet, on a un autre de ces records-là, Jacques Picard est celui qui va dire, au plus profond, voilà, oui, on ne peut pas aller plus loin. La fosse des Mariannes, c'est 11 000, oui, tout d'un coup nous donne la limite de ce que nous sommes dans notre capacité humaine sur l'environnement terrestre qui nous accompagne. Et pourtant, une fois qu'on a bouclé ces 4 points limitants majeurs, il faut bien qu'on trouve de la ressource pour dire, mais à l'intérieur de ça, on est encore capable de créer, on a encore de le faire. Non, ce que vous montrez, Jean-François Toussaint, c'est que cette limitation, cette stagnation, cette apparition d'un plafond concerne toutes sortes de domaines. La taille des individus, l'espérance de vie, les records dont on a parlé, la taille des basketteurs, j'ai lu ça quelque part, n'augmente plus. Alors c'est très coupé parce qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est à la fois la taille des maxima et les basketteurs américains, pas seulement américains d'ailleurs, les plus grands basketteurs sur Terre qui se retrouvent sur les parquets américains, c'est différent, depuis 1984 globalement, c'est une compétition mondiale dans laquelle les plus forts et les plus grands sont réunis. Et on voit qu'effectivement, depuis 30 ans, là non plus, la taille moyenne des franchises américaines ne progresse plus. Et dans le même temps qu'on voit ça, une publication du mois d'août 2016 nous montre que la taille moyenne dans les 200 pays de la planète qui ont été analysés entre 1896 et 1996 montrent qu'on atteint ces plafonds dans le même temps dans les pays développés, mais que même certains pays en développement ont déjà commencé une régression. C'est le cas en particulier sur certains pays d'Afrique, dans lequel cette fois-ci on voit bien que le moteur n'est plus seulement le développement, mais c'est celui de l'énergie par habitant. C'est celui de la distribution des capacités alimentaires et puis de cette redistribution des sociétés au profit de chacun des individus. Eh bien, ce n'est plus le cas. On voit même en Égypte, déjà, depuis 20 ans, la taille moyenne qui régresse. C'est-à-dire qu'on a déjà dans ce domaine-là des effets qui vont être des effets directs entre la biométrie, qui est un intégrateur de toutes ces capacités d'énergie en même temps que de développement, de médecine et de prévention, qui vont arriver. Et ça se traduit aussi, évidemment, par les premiers reculs que l'on voit en France, hein, pour l'espérance de vie, 5 mois de moins pour l'espérance de vie féminine en 2015, 4 mois de moins pour l'espérance de vie masculine. Et là, on se dit, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper sur l'analyse, puisqu'on pensait encore jusqu'à présent qu'on avait 3 mois à gagner chaque année, ben c'est plus le cas. Et on le voit aussi parmi tous ceux qui sont les plus avancés, comme les euro-américains aux États-Unis par exemple. Est-ce que ceci doit tuer l'espoir ? Eh bien non, justement. Bertrand Picard, vous disiez tout à l'heure. Je pense que l'espoir, c'est pas de vivre de plus en plus longtemps. L'espoir, c'est de vivre de mieux en mieux et avec le plus en plus de conscience et de. Mieux on vit, plus c'est difficile d'accepter que ce soit court. Mais absolument. Bon, peut-être que c'est l'extrême, mais Jean Mermot disait, pour moi, l'accident, ce serait de mourir dans mon lit. D'un certain côté, c'est terrible, d'un autre, c'est magnifique. Et je crois que les gens doivent réaliser que, à chaque moment de leur vie, plutôt que d'espérer vivre plus longtemps, ils devraient espérer de mettre plus de conscience dans ce qu'ils font, plus de compassion dans ce qu'ils font. Moi, je crois que dans la vie, il y a deux courants. Il y a le courant qui va vers de plus en plus de matière et des énergies de plus en plus basses, comme la violence ou la haine. Et puis, il y a un courant qui va vers l'énergie spirituelle, une énergie de plus en plus subtile, qui est l'énergie de compassion, de sagesse, de bonté et de conscience. Alors, les records, jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'ils doivent être dans l'horreur. On fait de plus en plus horrible, on fait de plus en plus abominable, dans la cruauté, dans le matérialisme. Là où il n'y a aucune limite dans la montée, dans l'épanouissement humain, c'est dans la spiritualité. Là, il n'y aura pas de limite, là, il y aura des records qu'on pourra toujours battre parce qu'on pourra toujours faire mieux et plus beau. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mieux que l'éternité, c'est pas évident quand même. Or, elle est promise depuis quelques milliers d'années. Hein. Essayons déjà la conscience de l'instant présent. Alors, Sébastien Chéniaud, on parlera de l'éternité. Sébastien Chéniaud, avant que vous arriviez, j'ai lu un petit texte de Spinoza qui interroge le lien entre l'esprit et le corps. En disant, il est dit, on ne connaît pas ce lien, donc on ne sait pas ce que peut un corps, parce qu'on ne sait pas comment l'esprit peut jouer sur le corps ou avec le corps. Et vous, dans vos courses, comment est-ce que votre rapport à l'instant présent évolue au cours des kilomètres? Est-ce que, par exemple, ça c'est une chose à laquelle j'ai souvent pensé en voyant le départ de l'Ultra Trail, est-ce que tout ne se joue pas dans les premiers kilomètres? Comment on se sent si on veut partir vite et qu'on est doublé par 15 personnes, est-ce que ça peut être à ce moment-là, mais je pense vraiment que la notion de prise de recul et de prise de conscience de ses propres marques dans ces moments-là, de vivre, comme disait justement juste avant, vivre l'instant présent comme il est et vous occupez pas de la position d'autres coureurs. Alors voilà, justement, l'épreuve, moi depuis déjà quelques temps, je travaille sur le fait de prendre du recul justement par rapport aux résultats, par rapport à l'objectif initial. Et ça me permet vraiment de vivre pleinement l'épreuve, de profiter de chaque moment. Et on sent au fur et à mesure qu'on avance lors de l'épreuve qu'il y a une connexion qui se fait avec les gens sur le bord. Et que cette connexion, elle va vraiment en augmentant tout au long de l'épreuve jusqu'à exploser, entre guillemets, sur les derniers kilomètres. Alors bon, on le voit sur des grandes épreuves comme le Tour du Mont Blanc ou sur la Diagonale, mais la Diagonale des Fous, oui. Des Fous, qui porte bien son nom, qui est la semaine prochaine. D'ailleurs. Vous y allez ? Non, je serai sur une autre épreuve en France, sur les Templiers. Et on se rend compte aussi que lorsque l'on lâche prise du résultat, lorsque l'on lâche prise de la réussite à tout prix, en fait, c'est là qu'on devient le plus performant. Et beaucoup de gens, d'un point de vue physiologique, on se rend compte que jusqu'à l'âge de 25, 27 ans, on peut progresser au niveau de la vitesse maximale aérobique, entre autres, et qu'ensuite, on est sur une pente descendante. C'est ce qu'a montré Jean-François Toussaint. Lui, vous vous dites, c'est à partir de 24 ans? Alors, globalement, c'est 24 ans pour le sprint, la puissance. L'endurance est un petit peu plus tard. Mais il y a des qualités qu'on va finir par accumuler, et en particulier dans la maîtrise du langage, mais aussi dans tout ce qui concerne l'analyse de l'environnement. Et ça va donner des potentialités qui vont finalement se sublimer beaucoup plus tardivement. Est-ce qu'une meilleure connaissance de soi peut compenser une baisse de performance physique? Moi, je pense, et très sincèrement, bon, j'ai 44 ans actuellement. Ça va pas durer. Je continue à progresser et je pense vraiment continuer à progresser par justement le fait de lâcher prise du résultat, de vivre l'instant présent, d'être pleinement conscient de ce que je suis en train de vivre et pas de me projeter vers l'avenir. Donc, moins la victoire vous importe et plus vous gagnez. Exactement, tout simplement. Et je pense que cette prise de recul, elle arrive avec l'âge. Mais est-ce que vous vous servez de documents scientifiques? Enfin, qu'est-ce que la science vous apporte dans votre préparation? Parce que déjà, j'ai une formation de scientifique au départ. Je l'utilise presque au quotidien avec tout ce qui va être recherche et développement. Vous m'avez envoyé avant cette émission des articles très savants. J'ai du mal à lire. Quelle formation scientifique est-ce que vous avez? J'ai une formation de biotechnologiste, en fait. Tout ce qui concerne... le séquençage d'ADN, entre autres, le génie génétique. Et j'ai travaillé dans le milieu du vétérinaire et suite à ma découverte et mon arrivée dans le milieu du trail, je me suis rendu compte, en fait, que ça me servait au quotidien avec le travail sur les matériaux, le développement des matières, une meilleure adhérence sur des produits, sur de la luminosité avec les lampes, entre autres, ou les sur l'alimentaire. Voilà, les lampes frontales, ou sur de l'alimentaire, avec de l'apport énergétique, avoir quelque chose d'assez régulier, pas de pic d'insuline et autres. Donc, toutes ces choses-là, je les ai comprises grâce à ma formation. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est utile au quotidien. que c'est une perpétuelle évolution à ce niveau-là, qu'on est loin d'avoir découvert les limites. On voit avec des coureurs en montagne qui sont passés à autre chose, comme Kylian Jornet. Il veut faire l'Everest en courant. Voilà, qui voudrait faire l'Everest en courant, qui est monté jusqu'à 8000. Et il a fait deux fois le Mont Blanc en moins de 12 heures. Oui, on l'a fait quelques fois ensemble en 6 heures aller-retour, en partant du bas. C'est vrai que bon, il faut pas chômer, mais ça permet d'avoir une autre relation avec la montagne. Là, j'ai dit en vous présentant que vous aviez un palmarès impressionnant, mais pas seulement, vous avez aussi un rythme cardiaque impressionnant au repos, 38 pulsations par minute. Matin, j'arrive à descendre à 30 pulsations minute. Mais ça se travaille, ça, ou c'est une donnée? En fait, je pense que tout simplement, c'est l'habitude de faire des efforts d'endurance, et puis l'organisme développe tout un tas de domaine, hein, je dirais, pour pas rentrer dans les détails, tout ce qui va être une vascularisation entre autres et autres, et une capacité tout simplement à récupérer. Justement, c'était la question, comment est-ce qu'on récupère d'une telle course, de telles courses, est-ce que effondré de fatigue dans les jours qui suivent? Alors en fait, il y a plusieurs types d'approches. On perd combien de kilos, par exemple? Plusieurs types d'approches. Alors déjà, moi en général, en période de performance, je suis aux alentours de entre 58 et 60 kilos. Là, sur des périodes hivernales, je rentre dans des périodes où je suis entre 60 et 62, donc ça évolue pas énormément. Un petit peu de surpoids. Oui, mais qui est volontaire, puisque il faut savoir quand même que l'apport de graisse est relativement très important, surtout chez les coureurs en endurance, puisque la réserve énergétique est très très faible au niveau de l'apport de la partie glucidique autour du foie et sous forme de glycogène. Donc la part des coureurs d'endurance est beaucoup plus importante dans les graisses, dans les lipides. Et donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir un petit peu de stock, puisque après ça oblige à manger beaucoup trop régulièrement, et un petit écart sur un ultra lorsqu'on est vraiment très affûté va directement à l'échec et à l'arrêt de la course, parce que on rentre dans des domaines qui sont pas forcément très très intéressants. Donc vous voulez dire qu'il y a presque une préparation scientifique de l'épreuve? Oui, et puis moi j'utilise aussi lors de mes entraînements ce qu'on appelle la variabilité de fréquence cardiaque, qui me donne en fait un état de fatigue de mon corps. C'est-à-dire que c'est un enregistrement qui se fait à peu près sur 5 minutes avec des petits systèmes, des petits logiciels. Qu'est-ce qui est mesuré? La fréquence cardio au repos, donc, et l'amplitude donc entre chaque battement. Donc il y a des amplitudes qui sont différentes et qui permettent d'évaluer l'état de fatigue ou l'état de stress, tout simplement. Donc c'est des choses qu'on utilise. C'est pas non plus entrer dans le scientifique à l'état brut, puisque à ce moment-là, on n'aurait plus aucune part de secret, et je dirais qu'un plan d'entraînement fonctionnerait pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas, et c'est ce qui permet d'avoir cette évolution possible dans ce domaine-là, puisque voilà, on peut être très fort descendeur, très fort grimpeur, on peut être très fort sur des parcours très roulants et techniquement être très mauvais. Donc voilà, c'est une balance et qui permet... Bertrand Piccard, j'imagine que votre avion, Solar Impulse, est truffé de capteurs. Mais vous-même, est-ce que votre corps est surveillé lors du tour du monde que vous avez effectué? Alors, on n'avait pas eu envie, avec mon ami André Borschberg, d'être transformé en unité de soins intensifs dans le cockpit. Et comme je suis médecin, c'est vrai que beaucoup de médecins voulaient mettre des capteurs partout. Alors, on avait des rapports médicaux toutes les deux ou trois heures avec un médecin qui était au centre de contrôle de Monaco. Mais finalement, moi, je sentais assez bien si ça allait, si ça allait pas. Et en vol, je veux dire que ni André ni moi, nous n'avons eu des problèmes sur ces très longs vols. On était préparés, on savait pourquoi on les faisait. Et je dois dire, curieusement, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'était de piloter cet avion qui était extrêmement léger et extrêmement grand. Donc, dans des turbulences, c'était assez difficile. Vous avez été secoué? J'étais secoué. Et puis, c'est pas facile d'être secoué avec un avion qui met parfois 20 secondes pour réagir. Vous prenez une turbulence, puis ensuite, vous êtes pendant 20 secondes en train d'essayer de remettre l'avion à plat. C'est pas très facile pour quelqu'un qui vient du monde du ballon comme moi. c'était peut-être plus facile pour André. Mais moi, j'avais déjà vécu 20 jours dans une nacelle de ballon, sans escale, pendant le tour du monde que j'ai fait en 99. Ce qui fait que la vie à bord me gênait pas. C'était le pilotage qui était le plus dur. La vie à bord, j'ai trouvé facile, en fait. C'était pas ça qui était problématique. C'est amusant quand les gens me disaient, ouais, mais t'étais dans un tout petit cockpit, est-ce que t'étais pas claustrophobe? Mais quand je leur disais que dehors, il faisait moins 45 degrés et que j'avais pas envie de sortir, ils comprenaient très bien que j'étais pas claustrophobe. Mieux à l'intérieur. Mieux au chaud. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, Jean-François Toussaint, ça doit vous inspirer beaucoup de commentaires, j'imagine. Mais il y a des choses qui pourraient intéresser nos amis, c'est l'étude que vous avez menée avec votre équipe à propos de l'espérance de vie des sportifs de très haut niveau. Effectivement, il y a celle-là, juste avant, par rapport à celle des prédispositions, parce qu'on va y venir à la fois sur le côté génétique pour expliquer peut-être cette prolongation de la durée de vie chez les sportifs de haut niveau, mais en même temps, celle des prédispositions à la course. Vous disiez que vous étiez à 35 par minute, voire à 30 certains matins. Oui, certains matins. Oui. Très clairement, sur la partie de physiologie cardiaque, que je connais un petit peu, c'est des éléments sur lesquels on voit que ça dépend principalement des échanges qu'on va avoir autour des membranes, des cellules cardiaques, et donc les canaux ioniques, alors sans rentrer dans les détails, du potassium, du chlore, vont donner une fréquence cardiaque de base qui est une fréquence qui est dépendante de l'isoforme qu'on va avoir. Et donc ces structures spécifiques-là sont celles qui vont déterminer la fréquence cardiaque de base de vous, mais aussi de vos descendants et donc du coup de vos ascendants. Donc il y a une partie qui est transmise à 50% par votre père, à 50% par votre mère, vous ont donné ces qualités-là. Et ces qualités-là, elles sont extraordinairement importantes dans une épreuve d'endurance, parce que quand on démarre à 30 par minute le matin de la course, on monte à 45-50 au début de la course, puis progressivement à 100, à 120, à 150. Et donc du coup, ça fait une marge, une amplitude énorme, une amplitude d'adaptation extraordinaire. Celui qui démarre à 60-70, il n'a pas la même. D'emblée... C'est votre serviteur. D'emblée... Oui, mais il le raconte tellement bien, c'est justement un des éléments sur lesquels on va avoir d'autres qualités à mettre en évidence. Mais pour autant, on voit que cette partie-là va jouer sur des éléments qui vont être, non pas déterminants à 100%, mais qui vont participer à la performance. Alors pour revenir à cette question qui est effectivement celle sur laquelle on a, je pense, à la fois démonté un mythe, qui était celui de, on va payer le prix du sport de haut niveau, puisqu'on se confronte à des diagonales faites pour les fous, à des records de profondeur dans lesquels on risque sa peau, ou des records d'altitude dans lesquels on va se retrouver parfois dans des situations instables qui ne sont plus compatibles avec la vie. Et donc, on y risque quelque chose. Tout le monde a cru que, sous prétexte qu'on était donc dans ces conditions-là régulièrement, on allait donc mourir plus jeune, à 50 ans. Le sport, c'est bon pour la santé, à condition de ne pas abuser. Eh bien, non. On protège à condition de respecter sa physiologie. Seulement sa physiologie. Et si la physiologie que vous avez finalement, dont vous avez hérité, et qui est celle que vous avez aussi entretenue par le biais de l'entraînement, par le biais de la progression, de l'optimisation de vos capacités, vous arrivez à votre potentiel maximal, mais celui-là est compatible non seulement avec l'exercice d'une performance maximale, d'une capacité physiologique maximale, mais en même temps, il va être associé progressivement, parce que vous êtes chaque jour un petit peu au-dessus de la moyenne, vous arrivez à la fin avec une durée de vie qui est elle-même prolongée de 7 ans. Donc, pour entrer dans les détails un petit peu, vous avez fait une étude sur les sélectionnés olympiques français depuis 1947, je crois. Voilà, donc on a fait toute les coureurs du Tour de France. Et les coureurs du Tour de France depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Toutes nationalités confondues. Alors, tous les Français, puisque c'est les Français sur lesquels on a l'ensemble, non seulement des durées de vie, mais des causes de mortalité. Et donc, ça permet aussi de faire une analyse de ce que sont finalement la fréquence des cancers, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives, c'est-à-dire toutes les maladies qui concernent tout le monde, la maladie d'Alzheimer notamment, et de voir comment ces fréquences-là se répartissent dans un autre groupe très particulier, celui des sportifs de très haut niveau. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, l'ensemble de ces risques-là sont diminués de 50 à 75% parfois. Et donc, en fait, la mortalité est beaucoup plus faible. Ça ne veut pas dire qu'elle est annulée, puisqu'à la fin du compte, tout le monde finit au même endroit. Mais dans l'espace de vie qui nous est donné, chacun de ces risques, chacune de ces pathologies a une fréquence et un impact moindre. Et donc, du coup, parce que le corps en est capable, et aussi parce qu'il s'entraîne, c'est donc le double effet à la fois de la génétique et de l'entraînement, là encore de l'inné et de l'acquis associés, qui vont permettre finalement cette différence majeure, parce qu'en termes d'épidémiologie c'est majeur, de 7 ans, y compris pour les coureurs du Tour de France, dont on voit bien et dont on imagine ce qu'ont été les potentiels impacts, en particulier de conduites dopantes très répandues dans les années 70. Ça, vous ne le voyez pas dans vos statistiques. C'est-à-dire que pour eux aussi, l'espérance de vie est augmentée de 7 ans par rapport aux Français moyens. Il n'y a pas de conséquences de long terme actuellement. Ce qui, là encore, va changer totalement la à nouveau, pour les cyclistes français. Donc, il y a une corrélation entre l'espérance de vie et le fait d'être sportif de haut niveau. Mais corrélation n'est pas causalité. Donc, c'est simplement peut-être parce que ces personnes ont une très bonne santé à la base, qui leur permet à la fois d'être sportif de haut niveau et de vivre très longtemps. Ils ont à la fois une très bonne santé et donc ils vont résister beaucoup mieux aux contraintes du quotidien, contraintes auxquelles on va se trouver confronté quand on est à 8000 mètres d'altitude, quand on est dans des niveaux où la vie est conditionnée par la limite, alors pour le coup, physique ou chimique, de la présence des éléments indispensables à la vie, de l'oxygène, de l'eau, de l'énergie. Et cette capacité-là, finalement, à répondre à ces contraintes, y compris les contraintes psychologiques d'ailleurs, parce que les sportifs de haut niveau se donnent tous les jours un affrontement qui est équivalent à celui d'une finale des Jeux Olympiques. Tous les jours, ils se disent « je suis en situation d'affronter les meilleurs du monde ». Et donc tous les jours, je dois, y compris sur le plan de ce stress-là, m'habituer, tolérer progressivement. Et bien cette habitude-là, au contraire de ce que l'on pensait, dans lequel on imaginait que ça allait détruire le corps, ça le renforce. Sébastien Gino, vous étiez au courant de cette donnée? Ouais, j'ai lu quelques articles sur justement la préservation et la protection des télomères. Et je dois avouer que j'étais plus en phase avec ce type de démonstration et de résultats que le fait de faire du sport vous tue plus rapidement ou vous fatigue, alors que moi j'ai vraiment la sensation au fond de moi que chaque fois que je vais en montagne, ben en fait j'ai vraiment la sensation de gagner un petit peu plus de vie, un petit peu plus de connexion avec la nature, avec l'environnement. Ça me pousse aussi dans certains de mes retranchements au niveau justement de chercher des évolutions possibles dans l'entraînement, dans l'approche de l'entraînement, dans l'approche de la compétition. Et c'est ce qui m'a ouvert, c'est ce qui m'a vraiment ouvert certaines voies et l'esprit à pratiquer certaines voies dans tout ce qui va être relaxation et le fait d'approcher et de voir les choses différemment. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Sébastien Chéneau, vous avez 44 ans. Oui. Et vous voyez courir des ultra-trails jusqu'à quel âge? Marco Olmo, qui a gagné l'UTMB deux fois, je crois. Oui, à 58 et 59 ans. Et il continue à courir, il a 67 ans, il gagne des courses. Tout à fait, tout à fait. En fait, moi je pars pas... Je pars pas du principe... Couru avec des gens beaucoup plus jeunes. Bien sûr, mais pas dans sa catégorie. Ça n'empêche pas. En fait, je pars du principe que... L'entraînement et le plaisir d'aller s'entraîner et de se pousser un petit peu au niveau des limites me va bien. Je conçois pas le quotidien comme un entraînement permanent et comme des obligations permanentes. Et je pense que mentalement, ça fait une énorme différence. Et cette différence me permet de me dire que tant que je prends du plaisir à aller en montagne, à me retrouver nez à nez avec un loup, par exemple, parce que ça arrive à l'entraînement, eh bien, vous courez dans quelle région ? Je continuerai dans quelle région ? La Haute-Savoie, pas très très loin, à 60 km de Chamonix. Ouais, mais vous courez plus vite que le loup, donc c'est pas dangereux. Non. En fait, ils sont bien plus peureux que nous, malheureusement. Non, là où c'est plus intéressant, c'est les rencontres avec les lynx. Ça, c'est absolument exceptionnel parce qu'ils se comportent comme un char. Et donc, vous êtes en train de nous expliquer que vous vous entraînez à l'ultra trail pour voir des lynx. Pour voir des animaux, pour profiter de la nature, de l'environnement. Voilà, à chaque fois que je sors de chez moi, bah, j'ai la montagne avec la neige juste au-dessus, aussi bien en été qu'en hiver, donc elle me tend les bras. Il vous est arrivé d'être blessé? Bien sûr. De fracture de fatigue. Et comment est-ce que vous vivez les périodes où vous ne courez pas? Est-ce que c'est de la dépression? Pas du tout. Alors justement, vous êtes bigorexique quand même? Non. La bigorexie, il paraît que c'est une maladie mentale qui est liée au fait qu'on est obligé d'être en mouvement en permanence. Non, pas du tout. Et ça traduirait une faille de l'identité psychique. Ouais, non, mais j'en suis pas à ce stade-là. Alors oui, je suis relativement actif au quotidien. Mais je suis pas du tout dépendant de la course à pied, dans le sens où il m'arrive de couper pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'année dernière, j'ai coupé 3 mois complets. Sans blessure. Sans blessure et avec un arrêt, un arrêt parce que j'avais envie de m'arrêter. On était tombé d'accord avec mon préparateur, mon entraîneur. J'avais une coupure et. Comment réagit le corps ? En fait, par une petite prise de poids au départ. Et puis après, il s'y habitue très facilement et ça cultive en plus de ça l'envie de retourner au charbon, comme je dis, et l'envie de retourner en montagne. Alors ça m'empêchait pas d'aller marcher en montagne, d'aller voir les animaux, continuer à les voir. Et je me rends compte au fur et à mesure que en ne faisant qu'un avec l'environnement, on arrive à se retrouver à être de plus en plus en contact avec des animaux qui ne sont pas effrayés. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a une mémoire musculaire ? C'est-à-dire, quand vous reprenez, est-ce que les muscles sont toujours là ? Alors, je pense que oui, puisque ma première expérience à ce niveau-là a été très simple. J'ai fait de la course à pied jusqu'à l'âge de 21 ans. En athlétisme, voilà, ouais. J'étais coureur de 800, 1500 et de 3000 steeples. Et j'ai arrêté complètement pour finir mes études parce que ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps. Et quand j'ai repris à trottiner, donc à l'âge quasiment de 30 ans, j'avais 29 ans, un peu plus de 29 ans, donc 8 ans après, au pied levé, j'ai refait 35 minutes sur 10 km. Sans entraînement spécifique, donc je pense que l'organisme est... Et là, quand vous parliez de cette coupure de quelques mois... la coupure récente... Oui, 2-3 mois, oui. La reprise a été... La reprise, en fait, elle est assez particulière, parce que très souvent, elle est douloureuse. Douloureuse parce qu'on est hyper motivé mentalement, on est hyper fort, puisque physiquement, on a refait le plein, on est ressourcé. Mais on est limité justement par le manque d'entraînement. Et de ce fait, les jours qui suivent sont relativement durs, comme ça peut l'être pour quelqu'un qui finit un ultra et qui court 3 à 4 fois par semaine. Avec des fatigues, des douleurs, des accumulations justement d'acide lactique, entre autres. Et rien que ça, déjà, ça recentre un peu les choses. Et puis, petit à petit, on retourne à l'entraînement avec beaucoup de plaisir. Et comment vous expliquez l'actuel engouement pour les courses extrêmes ? Le fait que le nombre de gens qui veulent les faire est bien supérieur aux capacités des courses. Alors, y a des systèmes de points, de tirage au sort pour pouvoir participer. Alors, on arrive à un stade, je pense qu'on arrive à une limite qui n'est pas une limite de possibilités ni de potentiel. Hein. On aura toujours plus dur, plus long, plus vite. On aura toujours cette évolution, elle va se ralentir. C'est pas ce que dit Jean-François Toussaint. Elle va se ralentir de toute manière, parce que ça reste quand même une activité relativement jeune. Hein, il faut prendre quand même les choses à l'échelle, je dirais, d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années. Pour certaines courses, 25, 30 ans, voire pour certaines exceptions, comme la Saint-Élion, où on est à 60, 61, 62 ans. Mais ça restait des grosses randonnées au départ. Donc quand on prend ce recul-là, on sait qu'on est plutôt dans la jeunesse. Maintenant, ce que je crains pour l'activité, c'est qu'on ait de plus en plus de consommateurs et non de pratiquants. La distinction est simple, les gens viennent sur une épreuve, payent pour faire un 15 ou 20 km sans limite de barrière horaire, puisque les départs sont relativement tôt, et au bout de 10 ou 12 heures, donc ce qui paraît complètement incroyable, ces gens-là sont pas encore arrivés et veulent absolument aller au bout puisqu'il n'y a pas de barrière horaire, mais pour avoir le t-shirt de finisher ou la médaille de finisher, et donc on arrivera certainement à un certain stade et à certaines limites à ce niveau-là. Malgré tout, je pense que l'activité a de beaux jours devant elle et je pense qu'il y a de très très belles choses encore à écrire. Merci Jean-François Toussaint. Je ne l'ai pas dit en vous présentant, mais vous présidez la commission de prévention du Haut Conseil de la Santé publique. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la pratique sportive ? Est-ce que le fait qu'il y ait une stagnation des records va en quelque sorte nous conduire à moins aimer la compétition, puisque la motivation qui est de battre les records aura disparu? C'est un des risques de l'évolution des disciplines les plus anciennes, les plus classiques. Le 100 mètres féminin, voilà, pour toutes celles qui sont au sommet actuel du monde, elles savent très bien que le record de Flo Jo de 1988 est actuellement 1047. Un record lunaire. c'est pas un record du monde, c'est un record lunaire, qu'elle a fait dans des conditions où elle était préparée comme Ben Johnson à l'époque. Hein. Mmh. Donc là, dans la transformation physique et les moyens pharmacologiques très probables, je dis bien très probables, qui ont été utilisés à ce moment-là, nécessiterait qu'on les réutilise de la même façon pour pouvoir battre ce record. Or, ce n'est plus ce que les autorités, finalement, permettent dans le contexte de la compétition de nos jours. Donc derrière, ça veut dire qu'elles courent toutes en sachant que celui-là ne fait plus partie. Il en reste pas moins que la compétition pour être la meilleure du monde actuellement reste celle qui a motivé toutes les disciplines, valides ou paralympiques, comme vous le disiez pour l'ensemble des deux épreuves olympiques et paralympiques cet été, motive toutes celles et ceux qui viennent justement pour s'afficher, se trouver en compétition et essayer d'être les meilleurs. Il en reste pas moins que sur les publicitaire, sur le spectacle, sur le développement de la discipline dans l'association de ce que fait le sport actuellement, de ce monde dans lequel la mercantilisation de l'exploit fait partie aussi de ceux qui permettent d'un moment donné de financer de nouvelles recherches, de nouveaux outils comme ceux que Bertrand met en place, sont des éléments qui vont poser la question de, mais si on développe plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va inventer autre chose, on va faire du 99 mètres, on va faire une coupe du monde sur 53 mètres, on va changer les sports. Tous les X Games font partie de cette introduction des activités des plus jeunes actuellement sur des compétitions qui les mettent en valeur de façon plus importante. Donc il y a une évolution possible sous la limite. La question, elle n'est pas tellement ça, elle est à la fois sur celle du sport qui devient un des moteurs de la santé publique par le biais de la dépense énergétique dans une société de plus en plus sédentarisante, et le fait de rester assis pendant toutes nos études, pendant quasiment 90% des emplois maintenant, fait qu'on a des heures et des heures qui sont passées à ne plus utiliser ce corps comme un équilibre énergétique dans lequel il fallait pouvoir équilibrer les entrées, les sorties, les dépenses et les apports. Or ça, on le voit maintenant, devient des moteurs extraordinairement puissants de toutes les maladies dégénératives. Celle de le sport, c'est un médicament préventif. Et c'est une thérapeutique non médicamenteuse. Exactement, ça devient finalement un des outils majeurs sur lesquels on voit cette prévention entrer. Donc ça, c'est un des facteurs les plus importants. Le deuxième, c'est celui sur lequel on voit ce paradoxe se créer. Bertrand disait tout à l'heure, cette prison quotidienne qui est celle à la fois de notre réflexion, de notre cerveau, la façon dont on doit repousser ses limites, celle dont Jean-Pierre Dupuis parle aussi en disant qu'il ne faut pas croire à ce que nous savons. Et pourtant, la science actuellement ne cesse de nous donner finalement les cadres, les lois, les règles, lois universelles dans le domaine de la physique, lois du vivant dans le domaine de la biologie, dans lequel s'intègre l'exploit sportif, mais aussi l'ensemble de nos vies. Et la question des limites actuellement est posée, hein, de ceux qui l'a le mieux résumé probablement, André Lebeau, dans L'enfermement planétaire, dans lequel cette idée d'un paradoxe de la connaissance, la connaissance des limites et celle de ces plafonds ne cesse de s'imposer à nous, alors que notre moteur individuel est de dire non, elle n'existe pas. La connaissance des limites est une question, disiez-vous, mais elle ne se pose plus pour cette émission qui a atteint sa limite. je le regrette, mais je vous remercie tous les trois, Jean-François Toussaint, Bertrand Piccard et Sébastien Chéniaud, avec un remerciement plus appuyé pour Bertrand Piccard, puisqu'il a accepté notre invitation au pied levé 10 minutes après le démarrage de cette émission. Alors nous n'avons pas tout à fait tranché la question de savoir si les limites ont des bornes, mais nous avons progressé. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Jean-Louis Deloncle et à la réalisation François Connac.